Ah, il y a des photos. La fabrication est magique. Voilà, le photobook est rempli d'illustrations qui ont été faites, des shootings qui ont été faits spécialement pour ça, des cartes postales, des petits gadgets cadeaux. Oui, ça s'écoute autant que ça se regarde. Voilà, même des simples petits groupes comme Uptation, que j'adore, qui sont un petit peu moins connus, on doit une édition moins belle que celle des Blackpink, mais il y a toujours... ça reste quand même assez travaillé. Là, les Dreamcatcher, leur dernier album qui vient de sortir... justement, dont on avait fait un concert pour le lancement de la plateforme Veritone, eux, ils ont été faire leur coffret. Pascal, ne croyez pas que je n'ai pas vu le placement. Non, j'ai essayé d'être discret. Je l'ai vu, le placement produit. Hein. Donc, ça, c'est pas une merveille, ce coffret, c'est incroyable. Imaginez Mylène Farmer qui fait pour son dernier album un coffret comme ça. Ben, il y a tout l'intérêt d'acheter le coffret plus que le... Voilà. C'était Bang Bang Bang, interprété par Big Bang sur l'album Made, sorti en 2015. Alors, autour de cette table, on compte nombre d'amateurs de K-pop, mais vous vous doutez bien que la K-pop, il y a aussi des gens, malheureusement, on a du mal à le comprendre, mais ils n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Alors, la K-pop, c'est donc la musique coréenne ultra commerciale portée par des groupes de filles ou de garçons qui exécutent des chorés acidulés en uniforme. La musique coréenne ou K-pop, ce sont des groupes d'adolescentes peu vêtues, des boys bands aux pectoraux impeccables, des chorégraphies réglées au millimètre et des paroles et des mélodies souvent formatées. D'abord, dans quasiment tous les morceaux, c'est des beats hip-hop et instru sapin de Noël. Bring the boys out. Les trainees sont recrutées principalement pour leurs compétences de chant, de danse, mais également d'acting. Ils doivent avoir une capacité de retranscrire les émotions et d'émouvoir leur public. Dans le monde de la K-pop en Corée du Sud, on considère toujours qu'avoir un copain ou une copine peut être un frein pour l'artiste. Je pense que c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Et aussi, comme la culture de fandom constitue une part importante dans ce secteur, les fans ne voudraient sûrement pas entendre que leur idole préférée soit en couple avec quelqu'un. C'est pour éviter tous ces problèmes qu'avoir un copain nous est interdit. Des mômes qui suivent un entraînement stakhanoviste dans des centres pendant 3 à 7 ans, des mômes qui apprennent à danser, chanter, sourire, maîtriser leurs moindres gestes scrutés qu'ils sont par les réseaux sociaux. Ils ont aussi recours à la chirurgie esthétique pour coller au stéréotype de l'idole avec visage fin et pommettes saillantes. Après, il y a l'aspect également en fait, de la nourriture, du régime qu'ils sont obligés de suivre parce que c'est un petit peu les critères que l'on a en, fait, en Corée de beauté. Mais on est également extrêmement prudent pour qu'ils aient l'apport nécessaire énergétique pour qu'ils puissent en fait, s'entraîner dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, tu pèses 52 kilos. Quel poids souhaites-tu atteindre? Mon objectif ultime, ce serait de peser entre 46 et 47 kilos. Pour être honnête, j'ai pratiquement jeûné pendant ces 3 derniers jours et j'ai perdu 2 kilos. Mais j'ai bu un peu trop d'eau hier, donc mon poids est revenu à la normale. Mais ce qui est de plus important également, c'est l'aspect psychologique. On les recrute également avec les outils tels que le MBTI ou d'autres outils psychologiques, pour s'assurer que, dans la durée, ils puissent s'épanouir en tant que idol et avoir une carrière des plus longues et des plus épanouissantes. Kim Jong-un, ce jeune chanteur de K-pop, 27 ans, qui se suicidait dans sa chambre d'hôtel, se disant cassé de l'intérieur, comme il le confiait dans une lettre, espérant laisser de lui le souvenir d'une personne qui a bien travaillé, disait-il. Un mauvais moment à penser. Et là, chers auditeurs, vous n'imaginez pas la prise de risque qui est la mienne, parce que je suis entouré par des vrais fans de K-pop qui m'ont regardé en disant « mais on a envie de les assassiner, ces gens qui parlent !» Donc voilà, on a un petit peu abordé beaucoup de préjugés sur la K-pop, mais qui sont aussi basés sur la réalité de l'entraînement de ces chanteurs et de ces chanteuses, les trainees, dans ces centres de formation. Donc, droit de réponse, Marie Valo. Il y a quand même deux choses que je tiens à souligner, c'est que nous, on s'étonne encore que la télé ou encore la radio soient considérées comme des vieux médias, des médias vieillissants. Mais c'est pas des médias vieillissants. Tout le monde écoute la radio en allant au travail. Tout le monde regarde la télé au moins une fois dans sa vie. On va arrêter de dire non, je regarde plus. Mais c'est les personnes qui les incarnent et qui font leur travail, si je peux dire travail dans ce cas présent, qui sont vieillissants vraiment. Là, il y a une flemme journalistique de ne pas creuser plus loin quand j'entends des mômes qui sont surentraînés dans des camps. Arrêtez de vous passer des CP entre vous et de pas creuser plus. Chose que vous faites avec Blockbuster, c'est fabuleux de donner la parole et de le faire avec bienveillance. Et c'est vraiment ça se compte sur les doigts. Je suis un enfant du divorce, je supporte pas les compliments. Non mais c'est vrai, ça se compte sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, les fans de K-pop pourront vous dire qu'il y a vraiment telle chaîne, tel jour, à telle heure qui a fait un truc un peu bienveillant. C'est trop anecdotique. Et certes, il y a un revers de la médaille, on va pas se mentir, mais il y a une vérité qui fait que aujourd'hui la K-pop fonctionne, même si elle est pas sur nos ondes, même si elle n'est pas en boucle à notre télé, elle fonctionne auprès des gens, parce qu'elles font aussi partie intégrante d'une culture, d'un soft power coréen, hyper incarné par des jeunes. Vous allumez la télé en Corée, c'est les idoles qui présentent, parce qu'ils ont été justement formés à toutes les formes de divertissement. Ils peuvent présenter, chanter, jouer la comédie, danser, ils peuvent tout faire. Donc c'est eux qui présentent les émissions, c'est eux qui les incarnent comme invités. On voit des clips d'eux, on voit des séries avec ces mêmes personnes, on voit des produits jusqu'à la bouteille de soju, comme on se disait avec Christelle tout à l'heure. Ce sont des purs produits de la nation qui portent fièrement aussi le soft power coréen. C'est-à-dire que contrairement peut-être à une certaine idée des médias français, la Corée du Sud met en avant sa jeunesse. Énormément. Ils sont fiers de leur jeunesse. Et pour aller plus loin que ce que dit Marie, restant dans la même veine, il y a à la fois d'un côté, par rapport au traitement journalistique qui est fait en France, tout du moins, il y a une méconnaissance de la Corée. Là, par exemple, on entendait « Ah, et donc, ces artistes doivent passer sur le billard pour faire de la chirurgie esthétique, pour plaire au plus grand nombre. » Non, en Corée, pour faire vraiment dans le cliché, mais quand on a 18 ans, qu'on a eu son bac, on se fait offrir une opération de chirurgie esthétique, notamment au niveau des yeux, très souvent. C'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. C'est quelque chose de courant, voire de banal. Donc, que les artistes passent par la chirurgie esthétique, c'est courant, c'est banal en Corée, c'est totalement admis. Ça, c'était pour un premier point sur la méconnaissance. Et la deuxième chose, c'est que ces journalistes qui sont très souvent, pour reprendre un terme à la mode, des boomers, devraient réfléchir à leur propre adolescence. Quand on leur vendait du Claude François, quand on leur vendait du Joe Dassin, quand on leur vendait du Eddie Mitchell, du Dick Rivers, quand on leur disait que Dave que Dave était le gendre idéal, on leur mentait sur les personnes qui leur étaient présentées parce que fallait rentrer dans un moule totalement commercial pour vendre du produit. C'est exactement ce que fait la Corée 50 ans plus tard. Donc si on leur reproche ça en 2020, faudrait peut-être regarder ce qui se passait en France en 1960. C'était exactement la même chose. Oui. Christelle Pécou ? Oui, je trouve aussi. Et puis en plus, c'est montrer beaucoup de mépris aussi envers la jeunesse qui en fait sait ces choses-là. Les fans de K-pop à l'international, parce que vraiment, il y a des fans de K-pop dans tous les pays, mais ça, c'est vraiment incroyable, savent ces choses-là. Ils se font pas d'illusions sur ce monde-là. Et c'est aussi pour ça qu'ils respectent d'autant plus les artistes de K-pop, en fait. Donc, il y a beaucoup de respect, vraiment, du travail qui est fait aussi par ces artistes. Et en retour, je pense qu'ils attendent aussi un peu de respect pour ce qui est maintenant leur culture, en fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un reportage sur la K-pop, dans un magazine ou des choses comme ça, on voit sur Twitter les réactions et ils sont toujours très déçus. Ils disent oui, ça j'ai coché. Ils ont encore dit cette banalité ou cette. C'est un kéno. C'est vraiment un peu du mépris, je trouve. Ouais. Et alors, il y a cette, il y a évidemment, je pense aussi que ce qui interpelle beaucoup de journalistes occidentaux, c'est cette manière très particulière de former des artistes. Et j'insiste quand même sur le mot artiste, parce que ce sont des gens qui ont une compétence exceptionnelle en tant que danseur, en tant que musicien, en tant que chanteur, en tant que compositeur. On peut le voir et on peut l'entendre. Mais c'est vraiment aussi une sorte de singularité d'avoir des écoles de formation d'idoles. Pascal Lafine. Alors moi je dirais que je trouve ça normal parce que c'est un pays qui s'est mis à vouloir évoluer sur sa culture, mettre en avant sa culture et donc et son industrie. L'industrie de la K-pop est une industrie comme les autres. Il y a beaucoup de personnes qui veulent en faire, donc c'est normal qu'il y ait des écoles. Après c'est très très dur. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Certains peuvent rester jusqu'à 10 ans à attendre que leur tour arrive. Mais l'avantage qu'il y a aussi, c'est que quand on finit par exploser et devenir connu, tout cet apprentissage qu'on a eu pendant des années peut servir pour devenir... Il y a beaucoup de chanteurs de K-pop qui sont devenus acteurs dans des séries, qui sont même plus connus en tant qu'acteurs qu'en tant que chanteurs à l'époque. On a même oublié qu'ils l'ont été. Et donc, on leur apprend quand même pas mal de choses qui fait que ça leur sert jusqu'à la fin de leur vie. C'est vrai qu'au départ, c'est très difficile parce qu'il y a la formation à payer, il y a beaucoup de choses à suivre. C'est un investissement financier important pour devenir une idole. C'est très, très, très, très onéreux. Ouais. Ouais. Très lourd. Ils misent sur eux et d'ailleurs, leur premier cachet vont servir à rembourser aussi la dette qui pèse sur leurs épaules. Hein. La dette d'artiste est terrible. Ouais. Et en général, même à la sortie du premier album, ça ne sera pas remboursé. Il faut savoir qu'ils ont des contrats à peu près de 7 ans, 4 ans de formation au moins, là je dis au moins parce que des fois ils commencent vraiment encore plus jeunes, 3 ans pour devenir artiste et pour que ça fonctionne. Donc certains finissent par abandonner et effectivement ils finissent par traîner cette dette d'artiste après tout le reste de leur vie. Quoi. Donc oui, ça de ce côté-là, c'est assez terrifiant. À hauteur de 14 heures... Ah, c'est hyper intense. Ouais. C'est pour ça que les fans sont aussi respectueux du travail qui est fait par leurs artistes préférés. C'est quelque chose qui se trouve également dans la musique japonaise. Hein, quand vous cherchez Akimoto avec les AKB, les HKT et j'en passe, il a une véritable écurie d'idols. Pareil pour Johnny, pareil pour... on a eu EXILE qui a fait la même chose. On peut citer encore le Hello Pro Project, et c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans les mœurs. Le coup, on les prend très très très tôt. Ce sont des petits garçons, des petites filles qui, parce qu'ils ont vu eux-mêmes un girls band ou un boys band plus tôt dans leur enfance, ont eu envie de faire ça et qui vont montrer des prédispositions. Et on va vraiment les former. Par contre, ceux qui vont surtout se mettre de l'argent dans la poche, ce sera les producteurs, parce qu'ils vont payer toute la formation, ils vont payer les frais de scolarité, puisque évidemment les enfants en question ne vont plus aller dans des écoles classiques, mais vont se retrouver dans un centre scolaire où on a que des petites stars en devenir qui vont être là. Ils vont être très très peu souvent chez leurs parents, donc il faut également payer le logement. Il y a des espèces de dortoirs pour les trainees, comme on disait justement. Tout ça, c'est le producteur qui avance, qui investit. Et quand ça commence à marcher, il y a d'abord le retour sur investissement. Et ensuite, peut-être, si le groupe cartonne totalement, alors là, les artistes en question vont pouvoir espérer découvrir le ruissellement à leur tour. Après, ça marche dans le foot aussi. Hein. Oui, mais complètement. Vous prenez la Masia à Barcelone, je pense pas que les jeunes, ils ont une vie de rêve. Ils doivent traîner ça pendant un certain nombre de temps avant de pouvoir devenir des joueurs connus et gagner de l'argent. Et aujourd'hui, quand on voit les performances d'un Kylian Mbappé, tout le monde est en extase, mais tout le monde sait que Kylian Mbappé, depuis qu'il est gamin, il court, il fait des abdos, il fait des pompes, il apprend le justement, football. Justement, est-ce que c'est la différence, elle est pas précisément là-dessus, c'est-à-dire que Kylian Mbappé, il officie dans un cadre qui est très compétitif et que tout le monde a identifié, qui s'appelle le sport. Derrière l'art en général, ou la musique, le cinéma, la littérature, il y a cette idée aussi de l'auteur, en France particulièrement au cinéma, c'est l'auteur réalisateur, c'est d'ailleurs pour ça que les scénaristes ont tellement de mal à se faire entendre, parce qu'on a l'impression qu'il y a l'artiste et une sorte de thaumaturge qui ferait tout du début à la fin. Et est-ce que finalement c'est pas ce procès qu'on fait à la K-pop, mais comme on le faisait à des groupes tels que les New Kids on the Block, les Backstreet Boys, les Spice Girls, c'est de simplement déléguer certaines étapes de la production d'une chanson à d'autres personnes qu'à un simple auteur. Est-ce que c'est pas ça finalement qui fait qu'on dit oh non, c'est pas un véritable artiste, il a pas tout fait? Non, oui, parce que désolé, j'ai dit oui, mais en fait c'est vrai que par exemple la maison d'artiste, sur les revenus de l'artiste, Même après, même s'ils arrivent à rembourser leur dette, etc., ils vont toucher à peu près 85 ou 90% des ventes, enfin de ce que ça va rapporter. Donc c'est vrai qu'après, pour ces artistes-là, il faut vraiment miser sur leur talent propre. Donc c'est pour ça que Marie, je pense que tu voulais parler de ça. Non, bah parce que oui, comme vous disiez, il y a beaucoup de gens qui se disent c'est pas des vrais artistes, ils font que chanter des choses qu'on leur a écrites, ce qui est faux. Il y a beaucoup de groupes aujourd'hui qui écrivent, composent, interprètent, produisent aussi. Mm-hmm. Je pensais à Seventeen, mais c'est pas du tout les seuls. Aujourd'hui, ce sont des artistes à part entière. Et je pense que les détracteurs ont pas envie de voir plus loin que ce ne sont que des marionnettes d'un marketing extrêmement bien huilé. Il y a énormément de marketing. Ça, c'est une vérité, on va pas la nier. Mais ça fait partie aussi du paysage coréen où la compétitivité, elle est partout. Elle est dans le golf, elle est à l'école, elle est dans les jeux vidéo, c'est la terre de l'e-sport. Tout est une compétition. Vous devez être le meilleur, vous devez être le plus fort, vous devez être le premier. Et c'est en ça qu'ils sont éduqués et formatés. Et pour le coup, c'est un vrai pays libéral. C'est-à-dire que là, il y a vraiment, c'est pas un gros mot d'avoir du succès et de gagner de l'argent. Non, pour eux, c'est tu vas être le premier, tu vas être le meilleur, donc tu vas gagner de l'argent, donc tu vas faire la fierté de ta nation et de tes parents et de tes proches. C'est vraiment, ça fait partie de leur culture, c'est le terreau de base, quoi. Donc la compétitivité dans le sport, on la connaît, elle est reconnue, mais elle est également présente là-bas dans l'art, elle est présente dans la plus petite enfance, elle est présente partout. Oui, donc ça fait partie de leur culture. C'est un ensemble en fait, puisque nous on considère que la culture c'est la culture, on n'y touche pas. Chez eux la culture ça reste quand même une industrie, donc qui regroupe beaucoup de choses, et c'est aussi pour ça que c'est assez transversal et qu'on retrouve des chanteurs qui deviennent acteurs, qui travaillent sur des trucs de produits de beauté, etc. Vous prenez les BTS par exemple, vous allez dans n'importe quel magasin à Myeongdong de beauté, il y en a tous les 50 mètres. Eh ben, vous allez retrouver des masques de beauté BTS, des choses comme ça, parce que ça fait partie du truc. Il y avait même, vous me disiez hors antenne, qu'il y avait même une idole qui était sur une bouteille d'alcool. Oui, sur il le soju. Il n'y a pas une, plein. Plein. C'est aussi une forme de consécration d'avoir son visage sur un produit populaire. Le plus recherché, c'est la publicité pour le café. On est dans une publicité pour le café, ouais. C'est le jackpot total. C'est clair. Et ce que cette compétitivité tire la K-pop vers le haut. C'est pour ça qu'à chaque fois, les producteurs doivent vraiment se démarquer, encore être les meilleurs. C'est pour ça qu'il y a toujours c'est la guerre. Oui, c'est pas moche de le dire. Hein. Dans le show business, il y a aussi le mot business. Et pourtant, ça n'empêche pas, justement, et ça, c'est quelque chose qu'on occulte très souvent. Si on s'intéresse un petit peu aux paroles, quand on prend les BTS, ils ont des albums qui s'appellent Love Yourself, où il y a vraiment un message qui va justement aller. L'acceptation de soi-même. Pour cette jeunesse japonaise qui est sous une pression. Coréenne. Désolé, lapsus répétitif. Sont sous une pression constante de la compétitivité, entendre un groupe venir dire bah « Ouais, mais même si tu as des défauts, ceci, cela, tu peux t'accepter tel que tu es », c'est quelque chose qui est important et qui va toucher les auditeurs. Justement, sur l'apparence, c'est quelque chose qui m'a interpellé et j'ai eu une conversation intéressante ce matin avant de faire cette émission avec une collègue dont la fille est fan de K-pop. Elle suit même des cours de chorégraphie de danse de K-pop. Et elle me disait « Ah, mais moi, je suis très, très embêté parce que c'est des chorégraphies où les filles sont hyper sexuées, elles font des poses lascives et tout ça, et j'ai pas envie que ma fille fasse la même chose, etc. » Et en fait, ça m'a assez étonné de voir qu'on évoque justement le côté hypersexuel de ces idoles, alors qu'en fait, c'est des athlètes qui sont dans des centres de formation depuis plusieurs années, en dortoir, entourés par des filles, qui ont très peu de relations amoureuses, d'après ce qui l'on ressort. Et donc, je trouvais qu'il y avait... Comment on arrive à gérer cette différence entre ce qu'on montre sur scène, apparemment être complètement désinhibé et le côté quasiment martial qu'elles ont dans leur formation. Comment établir ce gap? Parce que par exemple Madonna ou Rihanna ou Nicki Minaj, on sait très bien que ce qu'elle va montrer sur scène, c'est quelque chose qu'elle assume totalement aussi dans la vie de tous les jours, alors que chez les idoles, c'est toujours très différent. Ouais, attention, les Blackpink, elles sont pas en mode Miley Cyrus à ces grandes heures. Hein. Elles sont, quand on dit désinhibées, elles font des poses vraiment sensuelles, mais c'est vraiment... Oui, ça reste cadré, ça reste très cadré. Hein. On voit vraiment pas grand-chose, quoi. Il y a même des parties du corps qu'elle ne montre pas. Voilà, donc il y a c'est des un tabou choses... enfin, c'est quelque chose de codifié Oui, quand même, parce que quand même. La Corée du Sud, c'est un pays néo-confucéen, donc Il y a l'appartenance au groupe, l'appartenance à la famille, à la société, etc. Il y a des règles très strictes à respecter. C'est un pays qui a une morale très rigide, hein, quand même, il faut le dire. Et effectivement, oui, il y a un petit côté sexy dans certaines danses, etc. Mais je pense que ça va pas plus loin. Enfin, c'est ouais. D'ailleurs, ils scrutent la vie privée de leurs idoles de façon très très compliqué aussi, et on leur autorise pas vraiment à avoir une vie à côté, c'est compliqué. Donc oui, la morale sur ce point-là, elle est très sévère en tout cas. Ouais. Moi, je trouve très très amusant justement de comparer, pour le coup, là, je vais faire de gaffe à faire mon nouveau lapsus, entre le Japon et la Corée, c'est très amusant, puisque au Japon, on va avoir des groupes d'idols qui vont être très très simples, nitouches, qui vont vraiment des chorégraphies. Parfois, on va les mettre un peu en bikini sur la plage, ça, pour faire un ou deux clips sexy, mais là, ces derniers temps, quand on les regarde dans les clips, dans les performances télévisuelles, on est dans de l'uniforme assez long, c'est très gentil, c'est des adolescentes, c'est très... Et le Japon est l'un des pays où il y a la plus grosse production de films pornographiques. À l'inverse, en Corée, la pornographie est totalement taboue, c'est interdit, il n'y a pas le droit. Non, c'est... Elle existe, hein, pourtant, mais... Oui. Elle existe, mais en tout cas, pas comme au Japon avec des pixels. Quoi. Voilà. C'est-à-dire que vraiment... Et on va se retrouver avec des groupes où, là, il y aura beaucoup plus de sensualité qu'au Japon. Donc on se retrouve avec une espèce de... C'est très paradoxal. Mais ça explique justement la percée des groupes féminins de K-pop au Japon, parce qu'ils se sont retrouvés avec des groupes où, oui, il y a des filles qui savent danser du boule. Et ça, ils ne connaissaient pas du tout au Japon. Et ça a été une grande surprise pour eux, ça a été un danser grand choc. Danser du boule. Oui. Twerk, quoi, c'est ça. Hein. Ouais, là, je pense qu'il y a tout Radio France qui a arrêté ce qu'ils faisaient. Quoi ? Danser du boule. Ceci dit, j'ai vu énormément de concerts de K-pop par rapport au magazine. Et en règle générale, il y a des groupes qui dansent, mais c'est impressionnant. Je ne sais même pas comment ils font. Alors après, les concerts, c'est pas comme en France où un artiste arrive et pendant une heure et demie ou deux heures chante non-stop. En fait, il y a des pauses à l'intérieur, parfois des clips vidéo qui passent, ils discutent, ils répondent à une partie courrier des lecteurs, etc. Pendant sur scène, le concert. Pendant le concert, voilà. Et par exemple, les Dreamcatcher, quand ils avaient fait leur premier concert à Paris, au milieu du concert, elles ont répondu. Pour Veritune. Non, leur mais là, j'essaie de vous faire un nouveau placement de produit parce merci, que. Merci, c'est très gentil. Que vous le fassiez. Voilà. Non, non, quand elles avaient fait leur premier concert à Paris, la première fois, il y avait eu un petit tableau avec des post-it à l'entrée et les fans pouvaient mettre des questions. Et donc, après, ils ont choisi un certain nombre de questions et au milieu du concert, elles ont fait une petite pause de 10-15 minutes pour pouvoir répondre aux questions que les fans avaient posées. Et donc, du coup, effectivement, comme elle danse avec une énergie phénoménale, ça permet de faire des pauses pour pouvoir reprendre et redanser. Voilà. Et donc, c'est ça aussi qui change tout. Et dernière question sur vraiment la forme que revêt la K-pop. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant en voyant tous les clips des groupes masculins cette fois-ci, c'est la redéfinition de la masculinité via la K-pop, parce que on a affaire à des jeunes hommes qui sont des fois androgynes et qui n'hésitent absolument pas à jouer avec des codes qui sont habituellement ceux de la communauté LGBT ou un peu queer. On change de tenue, il y a aussi une dimension cosplay très très forte, et je voulais savoir quelle était l'acceptation de l'homosexualité en Corée du Sud. Est-ce que c'était Oula. Quelque chose de Oulala. Revendiqué ou est-ce que c'est plutôt parce que là, il y a clairement des appels du coude, des fois, à une sexualité pas, qui est... Pas forcément. C'est pas dans ce but, hein. Non, en fait, les codes sont différents. Au Japon, moi, j'ai un ami qui est homosexuel, très grand, barbu, baraqué, qui m'a dit, en général, on se reconnaît parce qu'on est grand, barbu, baraqué. Et si vous voyez des Japonais tout fins tenir des sacs à main, en général, c'est le sac à main de la copine qui fait du shopping. Donc, nous, on a une vision LGBT qui est très stéréotypée. Mm-hmm. Et elle est vraiment très différente en Asie. C'est-à-dire qu'un homme qui est maquillé dans la rue, parce que les hommes, pour la plupart, se maquillent, portera des lentilles de couleur, des vêtements très cintrés. On pourrait penser, nous, avec nos stéréotypes occidentaux, qu'il est forcément homosexuel ou en tout cas pas hétéro, mais alors, pas du tout. Hein. Là-bas, ça fait partie, encore une fois, du paysage. Les hommes comme les femmes assument de justement mettre en valeur leurs traits avec du maquillage, avec des produits. C'est très, très accepté là-bas. On appelle ça le layering coréen. C'est 14, voire 16 produits sur le visage. De soins, etc. C'est quelque chose qui est totalement admis. Maintenant, la question de l'homosexualité est très compliquée.